On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Y'a qu'à mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I'm the girl. Yeah. On the road. Yeah. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30. Alors ce soir dans The Rocks ou quand vous voulez en réécoute, en podcast sur ZF à Blois, enfin où que vous soyez et à quel moment que vous écoutiez cette émission dans The Rocks, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, eh bien vous vous allez avoir plein de choses diverses et variées ce soir dans cette émission dans The Rocks. Une émission très éclectique mais avec un point commun entre tous les morceaux, déjà pratiquement que de la nouveauté et puis des choses merveilleuses, des choses extrêmement variées. On va voyager à travers les styles et à travers les continents, à commencer par le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un extrait du dernier album de Vampire Weekend qui est sorti. Voilà un groupe qui est surprenant, qu'on aurait pu enfermer dans une case à leur départ, c'est-à-dire une sorte de petit groupe punkiné, gentil. Et ils reviennent avec un album qui est dans la lignée du précédent, très audacieux en fait, sur le fond, avec des morceaux ciselés, des morceaux surprenants qui peuvent aller effectivement du rock à guitare, des espèces de morceaux un peu étranges, et puis des choses à la Paul Simon. Enfin voilà, c'est un très bel album que celui de Vampire Weekend. L'album s'appelle Only God Was Above Us et le morceau qu'on va se passer ce soir en coup de cœur s'appelle Ice Cream Piano. Vous êtes dans The Rock, je vais pas parler beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à vous faire écouter ce soir et ça ne rentrera pas à mon avis dans l'heure et demie. C'est parti, ça s'appelle Vampire Weekend, c'est le coup de cœur ce soir et je pense que ça va vous plaire tout le reste. Baby, baby, baby. The Rocks is... Yeah, give me some. Plus. C'est bête. On the rocks. Fuck the world. You said it quiet. No one could hear you. No one but me. Cynical. You can't deny it. You don't want to win this war. Cause you don't want the peace. Armistice. We never tried it. You're a soldier. scream piano. I softly reach the high note. The world don't recognize a single sing. Ces deux albums ont en commun de partir un peu dans tous les sens, mais avec un brio à chaque fois assez bluffant. D'abord, nous avons eu le coup de cœur ce soir avec Vampire Weekend et le morceau Ice Cream Piano. Et puis juste à l'instant, c'était tiré du dernier album des Black Keys qui vient de sortir. Alors, comme on le disait à l'antenne lors de la première session de l'émission Quij, vous retrouverez la prochaine au mois de mai. Eh bien, Black Keys, ça oscille entre blues un peu près de l'os comme ça, et puis album un peu plus mainstream, on va dire, avec rempli à ras la tronche de tubes. Eh bien, c'est le cas du dernier album Ohio Players qui vient de sortir. On retrouve, voilà, il y a du blues des fois, il y a du gros rock, il y a des hymnes, il y a du chalala, il y a Lil Noy en rappeur qui vient se pointer à un moment, Juicy G également, il y a Beck. Enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens, mais c'est un album qui peut être un peu épuisant quand on l'écoute dans la durée comme ça. Mais dès qu'on le remet une deuxième fois, eh ben on a déjà plus de, allez quoi, des trois quarts des morceaux dans la tête, et ce sont déjà des tubes. Ils sont très très forts pour ça. Voilà encore un duo qui revient. Alors c'est pas vraiment un duo, puisque à la base c'était un groupe, mais là c'est vraiment réduit un peu à ce duo de frangins, ce qui n'est pas le cas des Black Keys. Mais ils sont aussi black eux, mais ce sont des corbeaux. Les Black Crowes reviennent avec un nouvel album. L'album s'appelle Happiness Bastards. On s'est déjà diffusé quelques morceaux. Et puis, bah voilà, c'est un album de retour aux sources. Ça sonne vraiment vintage pour le coup. La recette est toujours un peu la même pour les Black Crowes, qui avaient rarement égalé leurs deux premiers albums studio. Et bien celui-là, peut-être, y parvient avec des engueulades en moins chez les frangins Robinson. Et donc, et bien les influences sont toujours les mêmes. Je le disais, avec un gros rock bien juteux, avec un peu de Faces, un peu de Rolling Stones, c'est un peu de côté un peu punk et mauvais garçon comme ça. L'album qu'on va, le morceau qu'on va se passer tiré de l'album Happiness Bastards, il s'appelle Flesh Wound. Alors c'est peut-être le morceau le plus pop et le plus enjoué que n'ont jamais enregistré les Black Crowes, avec une espèce de truc bizarre au milieu, une sorte de pont avec au piano un peu étrange, et ça repart de plus belle. On dirait presque un morceau enjoué du Bruce Springsteen des années 90. Eh bien voici, ça aurait pu être le coup de cœur ce soir. En tout cas, je le dédie à Duduche qui me tarde de revoir. C'est les Black Crowes avec Flesh Wound, c'est dans The Rocks et ça fait ça. We'll be right back. l'instant des Mastodontes, enfin l'instant juste avant, c'était les Black Rose avec Flesh Wound, et puis à l'instant, c'était un groupe qu'on défend ici et qui nous a fait un magnifique cadeau pour les 30 ans de l'émission avec une superbe reprise de Nirvana. C'était leur dernier album qu'on vient d'entendre à l'instant, un extrait du dernier album qui s'appelle Vertigo. Ils sont tourangeaux, ils sont trio désormais, je crois, si ça a encore bougé, peut-être il faut qu'ils m'envoient un petit message, mais je crois. C'était les Strawberry Seas qui n'ont pas enregistré de mauvais album jusqu'ici, et voilà, c'est la bonne musique pour se balader à travers les campagnes du printemps. Strawberry Seas donc avec Vertigo. On continue avec des revenants. Il y aura beaucoup de revenants ce soir dans The Rocks. La semaine dernière, c'était plutôt des groupes qui démarraient, des jeunes groupes. Là, c'est plutôt des vieux de la vieille, un peu comme votre serviteur. Voilà un groupe que j'avais vu en concert à l'Élysée-Montmartre, je crois, avec Maître Capello à l'époque. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment très... extraordinaire, j'exagère. Mais c'était très sympathique. En tout cas, c'était à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Ils sortaient de 2 ou 3 albums fantastiques. Et après, ça allait un petit peu se tasser au niveau discographique. Eh bien, ils reviennent avec un single. Il s'appelle Travis. Ils avaient eu un énorme succès avec le morceau Sing. Ils reviennent avec un morceau qui s'appelle Gaslight. Pour l'instant, il n'y a pas d'album, c'est juste le single. Et on retrouve la voix du chanteur qui, moi, me plaît, une voix modeste, mais qu'on reconnaît entre mille. Alors évidemment, là, il y a des envolées de refrains un peu taillés pour les stades qui sont un peu étranges chez Travis. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les retrouver. C'est pas l'énorme coup de cœur de ce soir, mais en tout cas, ça fait comme quand on revoit un ancien copain en se disant « Ah, il a pris un peu de bide, mais qu'est-ce qu'il est sympathique !» Me. Encore des revenants, et eux, vraiment, c'est un grand plaisir que cet album-là, c'est l'album de Ride qui vient de sortir, l'album s'appelle Interplay, le morceau c'était Midnight Rider, et ils reprennent les affaires exactement là où ils l'avaient laissé à leur apparition, c'était à la fin des années 80, je dirais, au début des années 90 plutôt, et juste avant c'était Travis avec Kazla, est allé encore des vieux de la vieille, et qui m'ont un peu surpris, je m'attendais pas à grand chose avec cet album, ça fait 2-3 semaines que je vous le dis, et pourtant il y a des bien belles choses dessus, c'est une association sur laquelle j'aurais pas vraiment parié, et pourtant elle fonctionne très bien. À ma droite il y a le guitariste des Stone Roses et des Seahorses qui s'appelle John Squire, à ma gauche il y a cette grande tête de nœud de Liam Gallagher, et ils se sont associés pour un album qui est vraiment réjouissant. You're Not the Only One, c'est le nom du morceau, et tout est à peu près de ce tonneau. Vous êtes dans The Rocks, vous avez bien raison. vous avez prévenu, le prochain album, ce sera pas un album d'Oslo. C'était Pearl Jam, tiré de leur dernier album à venir. Sortira le 19 avril prochain. L'album s'appellera Dark Matter. Alors voilà, les deux premiers morceaux qu'on a diffusés dans The Rock, ce qu'on a entendu, c'est pas ma veine préférée de Pearl Jam, un peu bourrin on va dire, mais en tout cas ça le fait toujours quand même un peu, et Liam Gallagher et John Squire avant c'était You're Not The Only One. On va calmer un peu le jeu, quoique on va passer du côté féminin un peu de l'art ce soir, avec une chanteuse qui fait partie de ces prodiges incroyables. Elle a commencé la musique et a en tout cas, elle a composé des morceaux lorsqu'elle était enfant. Elle a commencé à jouer dans les bars et à jouer, enfin dans les bars en tout cas, à jouer sur scène à 14 ans. Et là, elle a 24 ans et elle a déjà une belle carrière derrière elle. Elle s'appelle Anna Vu, V-U. Et le morceau qu'on va se diffuser ce soir, c'est Care. C'est une nouveauté et c'est bien réjouissant. Don't pick up the phone. très très bon nouvel album et album de ce début d'année 2024. C'est l'album de Waxa. Alors je le savais. Hein. Waxa Hachi, le morceau c'était Ice Cold et c'était la voix de Katie Crutchfield qu'on vient d'entendre à l'instant et qui vraiment rayonne sur cet album de Waxa Hachi, album de cette américaine que je vous conseille fortement si vous voulez rentrer dans le printemps. C'est l'album idéal. Et puis j'en ai un autre, un peu dans le même style. C'est l'album de Hooray for the Riff Raff qu'on s'est déjà diffusé dans On the Rocks. Et ben on va se rediffuser encore un morceau, album un peu plus produit que les précédents, mais on retrouve toujours cette voix qui, moi, me plaît bien. Le morceau, c'est Hawk Moon, et là, elle vient du Bronx, elle, Alinda Segarra, mais le groupe est plutôt basé à la Nouvelle-Orléans. Actuellement, vous êtes dans The Rocks, et The Rocks, c'est aussi ça. That's the way. voilà un album qui me réjouit au plus haut point. C'est celui de la chanteuse de Big Sif, Adrian Lenker, qui vient de sortir et qui est une merveille. Enfin, un peu comme tous les albums d'Adrian Lenker et de Big Sif. C'était le morceau Fool. Et puis, juste avant, c'était Hooray for the Riff Raff avec le morceau Hawk Moon. Allez, on parlait de Revenant. Et ben voilà un camarade qui était à ces mêmes micros il y a quelques années de cela. Quelques longs mois, on va dire. Et puis, qui m'a fait aussi un beau cadeau pour les 30 ans de l'émission avec une superbe reprise de Bob Dylan, qu'il a intégré d'ailleurs à son dernier album. Son dernier album est vraiment super, super chouette. Il s'appelle Johan Asherton, c'est une légende de la musique française, mais vu qu'il chante en anglais et qu'il est très classieux, eh bien peut-être qu'il n'a jamais eu la place vraiment pour l'instant qu'il méritait. En tout cas, son nouvel album s'appelle Matinee Idols, et c'est toujours un réel plaisir et même une réelle émotion de retrouver la voix de Johan. On va se passer un morceau qui s'appelle Addiction, qui est un morceau assez enlevé et assez solaire de son dernier album. Et toujours cette voix d'outre-tombe qui peut rappeler celle peut-être de Johnny Cash. Allez savoir. Voici donc Johan Asherton avec Addiction. Très bel album, Johan. Bravo. Light. C'est ce qu'il est convenu d'appeler un grand retour en forme. C'était Mathieu Malon à l'instant dans The Rocks, notre gloire orléanaise qui était, qui m'a fait le plaisir d'être un des premiers jurés, chroniqueurs, on va dire en tout cas, de l'émission Quiz, puisque vous savez qu'il y aura à peu près tous les deux mois une émission Quiz dans The Rocks avec quatre albums que vont disséquer trois personnalités de la musique. Donc on a eu l'honneur d'avoir Sylvain Trémaux, un habitué ici, guitariste et compositeur des Sucker Fever, David Bost de Sunburns Out, et puis il y avait Mathieu Malon qui était là. L'émission est toujours disponible et évidemment on n'a pas parlé de son album. Là, de son album, j'en parle maintenant et c'est une très très belle réussite de Mathieu Malon. Voilà, vous le savez, dans cette émission, je suis un peu plus sensible à sa musique qu'à celle qu'il fait sous le nom de Laudanum, alors qui est très excellente hein, dans son style. Mais c'est vrai que moi, ce que fait Mathieu Malon, ça m'enchante toujours pas mal dans le style chanson française avec des influences non négligeables anglo-saxonnes. Ça s'appelle Les Orties. C'était tiré de son album qui s'appelle Bancal, qui va bientôt sortir. Il sortira au mois de mai. Ce sera le 17 mai. Et justement, le 17 mai, il y aura un concert à l'Astrolabe avec Mathieu Malon. Et avec Mathieu Malon, ce sera un double plateau puisqu'il y aura sur scène en solo avec lui, alors avec lui à ses côtés. On va essayer d'organiser une petite interview croisée. En tout cas, je ne sais pas s'ils joueront ensemble, mais ce sera un double plateau et elle jouera en solo. Et ce sera une très très bonne surprise de la retrouver. C'est la grande, très grande Laetitia Sherif. L'album de Mathieu Malon s'appelle Bancal, donc, avec une pochette d'Hervé Boris. N'hésitez pas à sauter dessus, il est vraiment très bien. Et puis, Laetitia Sherif, on va se passer un morceau un peu plus ancien parce que la demoiselle n'a pas sorti grand chose depuis un petit moment, mais ça ne serait peut-être pas tardé. People Rise Up. We'll be right back. Chouchou, s'il en est de l'émission de The Rocks à l'instant, c'était le dernier single de Woods avec Lay With Luck. Et puis juste avant, c'était Laetitia Sheriff avec People Rise Up qui sera en concert avec Mathieu Malon à l'Astrolabe le 17 mai prochain. On va calmer le jeu avec un enchantement pour moi. Un album plutôt jazz, plutôt piano. Alors c'est piano trio, mais le piano à la part belle sur cet album, c'est un pianiste qui s'appelle Gaël Rakotona. Drabé, à chaque fois je le plante, désolé Gaël, qui a livré un album de reprise façon un peu jazz épuré, piano magnifique. Ce n'est pas le premier venu puisqu'il accompagne les Coco Rosie en particulier, et Gaël, et qu'il va accompagner ex-Anthony and the Johnsons bientôt. Et donc j'ai craqué sur cet album vraiment, et en particulier il y a une reprise des Beatles pour ouvrir l'album, c'est And I Lover, morceau écrit par Paul McCartney au plein cœur de la Beatlemania, et puis juste après c'est le morceau un des morceaux ultimes dans la beauté des Beatles, qui était pourtant au moment du chant du cygne, c'était leur voix entremêlée pour le morceau Because, qui figurera sur l'album Abbey Road. Et bien, ils livrent une version de Because absolument magnifique. On va écouter ça maintenant, tout de suite. C'est dans The Rocks, c'est une nouveauté et c'est splendide. Just have horrible, then why do you welcome them? You said you'd provide a bird bath if I provide the skin. And bathing in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. If blue-eyed babes raised as hitless little brides and sons, they got angelic tendencies, like some boys tend to act like queens. If every angel's terrible, then why do you watch her sleep? You love to hear her sing and wear purple eyes like rings. Well, the flowers have no scent and the child's been miscarried. Every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said you'd provide the bird bath if I provide the skin. Bathing in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Oh, every angel's terrible. Should Freud and Milka all the same? Then Bo never paid him no mind. But Jimmy Morrison had his elevator. His elevator, oh, she had his elevator angel. If every angel's terrible, then why do you hide inside her like a child in a skirt? The supermarket's loud and bright, and bow it down as she feel warm tonight. Bow it down as she feel warm tonight. Bow it down, she feel warm tonight. If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, oh, why do you welcome them? You said you'd provide the bird bath if I provide the skin. She sounded like an angel when she cried. Elles avaient apporté une singularité bien fraîche il y a quelques, une bonne quinzaine d'années à mon avis, lors de leurs premiers albums. J'avais adoré ça, c'était un peu bancal, c'était un peu étrange et c'était toujours réjouissant. Eh bien elles reviennent et ça c'est une bonne nouvelle. C'était les Coco Rosie avec Terrible Angels et elles étaient accompagnées au piano par Gaël Racotonabré qu'on a entendu juste avant avec sa reprise du Because des Beatles. Je vous avais dit que ce soir ça allait être assez éclectique. Allez, je vous emmène du côté de l'Espagne maintenant avec, on pourrait appeler ça de la cumbia psychédélique. Merci à Pierre, mon ostéo, qui m'a fait découvrir ça. Je ne sais pas s'il écoute ce soir, mais franchement, c'était une bonne idée, puisque figurez-vous que le guitariste n'est autre que son beau-frère. Ça paraît une histoire de famille. Mais c'est un groupe vraiment intéressant qui s'appelle les Candeleros. Ils sont basés donc je crois en Espagne, si je dis pas de bêtises, à Barcelone. Mais en tout cas lui, le guitariste est un des meneurs de ce groupe est vénézuélien et le morceau c'est Cha Cha Cha. Ça fait vraiment du bien pour rentrer dans l'été et on n'y est pas encore, c'est le printemps, d'accord, mais enfin ça va pas tarder. C'est parti. estamos juntos. ¿Cómo seremos uno? How we wanna be two, we number one is I'm with you, baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the real love. Uno más a la par del amor. Si lo soñamos juntos. Dream, dream together. ¿Cómo seremos uno? We gonna be two, be the one in the combination, baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the love is I'm with you. Uno más a la par del amor. Yeah, yeah. Y el viento viene y se la lleva. The wind, wind blow. Y el viento viene y ahí se va. Cause I'm with you, baby. Y el viento one, viene one, y se la lleva. Real love. Y el mar ballena lleva la mano. Let me tell you, baby, she's out the real love. Let me tell you, baby, when you come from why yo, yo, and the combination. Let me tell you, baby, two in a one love. Si nos miramos juntos frente al eclipse de sol. In front of the sun, baby. Uno más a la par del amor. One more walking beside the love, baby. Uno más a la par del amor. Two in a one, that combination is obviously. Y el viento viene y se la lleva. Wind blow. La mar ballena lleva la mar. Over the mountain, over the sea. Nada más a la par del amor. Nothing more. Nada más a la par del amor. As I'm with you, sing. Love is a thing that only people never wanna. Love is a thing that many people never wanna. Together forever in a combination. As I'm with you, let me tell you, say together. Love is all about. Let me tell you, love is all. Love up the power. Show me till you say each and every hour. Si no estamos juntos. ¿Cómo seremos uno? Right on, competence in the microphone, start away with run. Uno más a la par del amor. One more walking beside the love as I would say. Uno más a guardar el amor. Ready? Oy, oy, oy. Easy we come and easy we go. Oy, oy, oy, oy. Love and come from a most time to the baby. Frente al eclipse de sol. Together. Boy, yo, yo. As I'm with you, baby. One more walking beside the love. Boy, yo, yo, yo. Baby. Together. As I'm with you, baby. Together. Boy, yo, yo. Love is from above, baby. Love is how we come up. Boy, yo, yo, yo. Love for you, I'm missing. Love for me. Love, I'm comfy, I'm gonna give you liberty. Boy, yo, yo. Love together, it's a love that we are sharing. Love, I give you happiness and love. Come on, me tell you, say the love, I come to the nation. The man called Wilson, man, no chow in a chan. Right, I want me comfy till you that time. Como seremos uno. Loving coming from above. As I'm with you, baby. How we wanna be two, we number one, as I'm with you, baby. As I'm with you, baby. One more walking beside the real love. Cause I'm with you, baby. Let me tell you this. Cause I'm with you, baby. Dream, dream together. Cause I'm with you, baby. We gonna be two, be the one in a combination, baby. Voilà un album qui est passé relativement inaperçu et c'est assez étrange. C'est le dernier album de Manu Chao. Alors j'avoue que moi je l'ai découvert il y a quelques jours. Il est sorti en 2023, il s'appelle Inner Reggae Style. Et comme vous l'avez compris en écoutant ce morceau-là, on retrouve le Manu Chao évidemment, oui Katou. Mais c'est vrai que c'est un album essentiellement reggae. Et si vous voyez le clip de Manu Chao, eh ben, c'est toujours bricolé. Ce gars-là aurait pu être le maître du monde financier. Il a choisi une autre vie et tant mieux. Et voilà, ses clips sont toujours bricolés de briques et de broc. Il voyage à travers le monde. Ils donnent des petits concerts dans des petites salles au centre de la France, des petites salles de 300 personnes pour rien. Et puis il repart à travers le monde. Et donc il a livré cet album de reggae et qui est vraiment vraiment super bien. L'album s'appelle donc In a Reggae Style. C'était le morceau qui ouvrait l'album de Manu Chao, À la part de la mort. Un album en collaboration avec Chalart 58. Je sais pas si on dit 58 ou 58. L'émission va bientôt se terminer. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Vous pouvez la réécouter sur ontherocks.net d'à partir du mercredi. Généralement, elle est en ligne et puis elle reste pour quelques mois. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission. Alors qu'est-ce que je ne sais plus la semaine prochaine. Je vérifie que je ne dise pas une énorme bêtise. Eh bien, je ne dis pas de bêtises. Et bien donc la semaine prochaine, il y aura une émission. Oui, je ne sais plus si c'est l'émission avec Sylvain. Des Sequoia Fever, je ne sais plus. Il faudra que je creuse un petit peu ça. En tout cas, je vous laisse avec un morceau d'une artiste que je suis et que je défends depuis bien longtemps également. Elle s'appelle Rivka. C'est le morceau de Sepultura, oui, messieurs, dames, qui s'appelle Roots, qu'elle reprend sur cette compilation French Armada dont on a parlé il y a quelques semaines en long, en large et en travers. Je vous dis bye bye, je vous dis bonsoir, je vous dis bonne nuit et je vous dis à la semaine prochaine. C'était On The Rocks. Ciao. Não da meia final da taça, desafio jogado no Estádio da Luz. Enfim, Luís, de certa forma, dupla vitória, o Sporting.